Bienvenue à Web Musique. Vous êtes en compagnie de Simon Roy pour la prochaine heure. Ce soir, ben, ça va être un spécial Fête des morts. Je vous ai trouvé de la musique donc en rapport avec l'Halloween, la Fête des morts. Vous allez voir une émission quand même assez terrorisante par bout. Donc, sans plus attendre, on va débuter tout de suite avec un artiste du nom de John Hollowatch. Je vous fais passer sa pièce Death Rock. Ensuite de ça, c'est un duo montréalais qui se spécialise dans le death metal, l'industriel et musique expérimentale. Donc, un duo vraiment intéressant qui s'appelle Zaraza. Je vous fais entendre leur pièce Infliction. Donc, ben, c'est ça. On va débuter Web Music avec John Hollowatch. Thank you. C'était le duo montréalais Zaraza. C'était la pièce Infliction, donc un peu de death metal à web musique pour ce spécial Fête des morts. Avant ça, on avait débuté l'émission avec John Holowack avec sa pièce Death Rock. Donc, ben c'est ça, je vous rappelle que vous pouvez télécharger les pièces entendues à l'émission. C'est tout à fait gratuit et légal. Donc, vous vous rendez sur le site de l'émission qui est au www.webmusique.org et vous avez accès à toute cette bonne musique. On va poursuivre avec un artiste belge du nom de Kreng. Je vous fais passer sa pièce Maya. Vous allez voir un album vraiment sombre que j'adore. Fait quelques fois que je vous fais passer à l'émission, donc c'est vraiment à pas manquer, à aller le télécharger tout de suite. Ensuite de ça, de Istanbul en Turquie, je vous fais passer Mexop, la pièce Quaidan. Vous allez voir, c'est vraiment bon, un peu de theremin, donc musique vraiment appropriée pour l'Halloween. Donc pour tout de suite, à Web Music, on écoute Kreng avec la pièce Maya. C'était l'artiste turc Megzop avec sa pièce Quaidan. Donc, je crois que c'était publié sur Very Nice Noise. Avant ça, de la Belgique, c'était Kreng avec la pièce Maya. Donc, c'est ça, vous êtes toujours à l'antenne de CKRL. Vous écoutez l'émission Web Musique. Je suis en train de vous faire un petit spécial Fête des morts. Donc, on va poursuivre avec un duo de San Diego qui donne dans le MIDI-Core. Donc, c'est du métal, si on veut, qui est fait à partir de fichiers MIDI, entre autres. Donc, un album vraiment intéressant qui s'appelle Dial Z for Zombie. Ça mélange des samplings de films d'horreur avec donc du MIDI-Core, donc un mélange assez intéressant. Donc le groupe s'appelle Savage Killings. Je vous fais entendre la première pièce qui s'appelle Mark of the Astro Zombies. Ensuite de ça, c'est la pièce Derange. Vous allez voir un album vraiment excellent. On écoute tout de suite Savage Killings à Web Music. Stalks the streets as a scientist's human transplantation experiment runs amok. The Astro Zombies. It is done, Francho. Terry ripping and killing with blood-drenched fury. Unbearable suspense and sadistic terror grip the senses as these human transplants threaten the safety of a city. We are concerned with the mutilation murders that have occurred over the past 6 months. Kill, kill, kill. Killing. The blood-soaked rain of terror to stagger the imagination. The Astro Zombies are strange, weird, unbelievable breed of living dead in human form. Their deranged, transplanted brains could only lead them to murder. You watch in frightened fascination. Beating hearts and throbbing, living brains are transplanted by a scientist whose motives are entirely dedicated to evil. Watch as the Astro Zombies attack with maniacal fury. Watch as a deadly weapon cuts a head in two. Watch as the blood flows and splatters the screen. Watch the Astro Zombies. You will die a thousand deaths as you watch the Astro Zombies. I really love you, Mary. You don't want to believe what you see, but sometimes it's true. The story of a trail of butchery so brutal that newspapers refuse to print its horrifying details. When the horror becomes unbearable, it is too late to scream. Devenir membre de CKRL, c'est appuyer la première radio communautaire francophone en Amérique du Nord. Fidèle à ses nouvelles couleurs et à son nouveau slogan, le 89.1 et ses partenaires offrent à ses membres des rabais aussi intéressants que variés dans les commerces suivants. Au Pub Le Dorset, à l'Abraham Martin, au Centre de yoga de Québec, chez Futon, etc., au Théâtre Périscope et au Théâtre de la Bordée. Tous les détails à ckrl.qc.ca. Plus que jamais, CKRL, cultive tes goûts. Cultive tes goûts. Du lundi au vendredi, réveillez-vous avec le 89.1. Actualité, société, culture. 2h30 de plaisir. Avant 9h, tout est possible. Avec Raymond Poirier et son équipe, dès 7h. CKRL. De retour à Web Musique, donc vous êtes toujours en compagnie de Simon Roy. Ce soir, on se tape un petit spécial Fête des morts. Donc, tout juste avant la pause, on entendait le duo Savage Killings qui vient de San Diego en Californie. Donc, un groupe qui se spécialise dans le midi-core et les échantillonnages de films d'horreur. Donc, un album vraiment savoureux à télécharger. Je vous invite à aller le télécharger assez vite. Ça vaut vraiment la peine. Il y a en tout cas toute une ambiance sur cet album-là. On va poursuivre avec quelque chose d'un tout petit peu plus tranquille. Il s'agit d'Arturo Angel Barco. C'est le pseudonyme de la compositrice Angela Angelica Negron. Donc, c'est une dame qui reste à Brooklyn, qui vient de San Juan, à Porto Rico. Donc, je vous fais passer sa pièce Raymond Dodson. Ensuite de ça, sur le net label Psicotropicodelia, net label brésilien complètement pété, je vous fais passer la pièce First Dobient. C'est par l'artiste Alien Quater. Vous allez voir, c'est vraiment bon. Donc, ben, pour tout de suite, à Web Music, on entend Arturo Angel Barco avec la pièce Raymond Dodson. Thank you. C'est le spécial Fête des morts qui se poursuit à l'émission Web Musique. Donc, on entendait le Brésilien Elian Hector, donc avec sa pièce First Dobient. Elian Hector qui se produit depuis 1999, donc c'est pas tout à fait nouveau sur la scène. Il publie sur Psycho Tropico Delia, un net label qui vient du Brésil, vraiment intéressant, qui ont des trucs la plupart du temps, mais vraiment pétés. Avant ça, ben, sur Observatory Online, un excellent net label, donc c'était Arturo Anel Barco, c'est le pseudonyme de Angelica Negron, donc une artiste qui est établie à Brooklyn, c'était sa pièce Raymond Dodson. Pour poursuivre l'émission, ben pourquoi pas un peu de Psytrance. On va entendre Semien, la pièce Trancy Yougoth. Vous allez voir une pièce qui rentre dedans quand même pas pire. Ensuite de ça, du Brésil, le groupe s'appelle Plastic Noir. Je vous fais passer la pièce Shadowrun. Donc ça, c'est publié sur EF Music, un net label allemand qui se spécialise dans la musique gothique, musique industrielle et des trucs qui tournent un peu autour de ça. EF Music qui est extrêmement actif sur la scène du net audio. Donc je vous invite à aller faire un tour de leur côté, à aller télécharger leurs trucs. Ils ont plein d'albums, de vraiment beaucoup d'artistes différents qui viennent un peu partout sur la planète. Donc EF Music, un excellent net label. Donc, ben c'est ça, on écoute tout de suite Semien avec la pièce Trancy Yougoth. Thank you. Mädels und Befeine, I'm revealing our world. I'm a sinner, it smells like death. Everyone is not prepared for a wake-up. Fingers of despots turn on the lights. From the dark cloud sounds too fast. Everyone knows the last cycle is over. Like an exorable sentence. Skies across the spider rats. Neither can anything of two appropriate nouners. General despair has been metropolis. The great babble of us on for time. The great babble of us on for time. This is the end of everything. There's no escape even in the shadows. Shadow record has begun. No excuse, thou want to heal the heart. Dispirited everybody, party takes my pride. In the last rites, righteous dark your flashes. Emperor's made to weep, the mouths on dry land. But from last of the blades of darkness, nor do you wear anything else but sorrow. And they don't understand in the zigzag. Odin is dizzy in front of the dark angel who was lost and created under divine superb. This is the end of everything. There's no escape even in the shadows. Shadow record has begun. C'était la pièce Shadowrun par Plastic Noir, un groupe brésilien qui est publié sur le net label allemand EF Music. Avant ça, c'était un peu de Psytrance. Le groupe s'appelle Semien. C'était la pièce Trancy Yougoth. Donc, ben, ça va déjà être tout pour Web Music. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger toutes les pièces entendues à l'émission. Vous vous rendez au www.webmusic.org. Vous avez accès à toutes les pièces entendues. Vous avez aussi accès à la balado-diffusion. Vous pouvez vous inscrire si vous avez iTunes ou un autre podcatcher. Donc, c'est la façon la plus facile, c'est de vous abonner. Vous allez recevoir les fichiers automatiquement de semaine en semaine. Donc, absolument aucune action à poser de votre part. Donc, ben, c'est ça, il y a le docteur Franco qui est arrivé. Donc, je vais lui céder l'antenne. Nous, on va se laisser sur une dernière pièce. C'est un artiste du New Hampshire qui s'appelle Sublunear. Je vais entendre la pièce A Quiet Death. Vous allez voir, il y a un petit sample de Tom Waits, vraiment sympathique. Donc ça, c'est publié sur This Plague of Dreaming. Donc, ben, c'est ça, c'est tout pour Web Music. Passez une belle soirée sur les ondes de CKRL. Thank you.